Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur Radio Fadjet, l'Instant Éco, une nouvelle émission dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique, cette semaine l'esprit entreprendre, entrecoupé de chroniques animées par Francine et Isabelle. Alors bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Eh bien une chronique qui va porter sur une entreprise locale je crois. Oui, je vais vous parler de l'entreprise Moustache qui fabrique des vélos électriques. Quant à Isabelle, tu animeras la partie juridique. Bonjour, oui tout à fait, je vais vous parler de la micro-entreprise. Eh bien très bien, bienvenue donc pour cette nouvelle émission, l'Instant Éco. Alors pour évoquer cet esprit d'entreprendre, qui mieux qu'un chef d'entreprise pour nous en parler? Et pour cette première émission, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Adam, une jeune chef d'entreprise qui a accepté donc d'être la marraine de cette émission. Merci Jérôme de m'avoir invité aujourd'hui dans cette émission et de m'avoir donné le titre de marraine, ça me va vraiment droit au cœur. Eh bien merci Émilie d'avoir accepté mon invitation. Alors pourquoi ce thème de l'esprit d'entreprendre? Il faut dire que de plus en plus de Français sont attirés par la création d'entreprises. En effet, sondage après sondage, les Français affichent leur envie d'entreprendre. Ils sont près de 15 millions à vouloir devenir leur propre patron un jour. Et année après année, les Français passent aux actes avec un chiffre record de création d'entreprises pour l'année 2019. Plus de 800 000 créations d'entreprises, dont près de 50% sont des micro-entreprises. En effet, aujourd'hui, tout le monde peut y aller. Les jeunes, les seniors, les salariés, créer sa boîte est devenu rapide, facile et pas cher, comme nous le précisera tout à l'heure donc Isabelle dans sa chronique donc juridique. Alors donc, ensemble, nous allons évoquer les motivations qui peuvent pousser à créer son entreprise, vous donner des conseils pratiques. Et donc, Émilie, je me tourne vers vous pour évoquer votre expérience. Votre entreprise s'appelle Je m'en tape. Alors pourquoi ce nom Je m'en tape, que je trouve par ailleurs excellent sur le plan marketing? En réalité, que se cache derrière cette expression? Alors, pourquoi je m'en tape? Ouais, c'est une excellente question. Effectivement, il y a un peu de marketing, mais l'origine du nom, c'était vraiment de sortir des clichés du développement personnel. Souvent, on voit des coachs en développement personnel avec des logos en fleurs de lotus, des mains tendues. Et moi, j'avais envie de communiquer autrement, de sortir un petit peu des croyances sur la profession. Et puis, à force de réfléchir à des noms, c'est venu assez naturellement. Je suis partie de ma personnalité et puis de ce que ça impliquait pour mes clients de se mettre dans un travail de développement personnel. Et je me suis rendu compte que pour changer, bah, il fallait arrêter de se soucier du regard des autres, donc s'en taper un peu. Donc ça répond vraiment à ce côté lâcher prise, je m'en tape, et puis à ce côté de ma personnalité, ce côté jeune, dynamique, ce franc-parler aussi qui me caractérise. Et puis ensuite, un de mes outils, c'est la technique EFT, Emotional Freedom Technique. En deux mots, c'est une technique de tapotement sur des points d'acupuncture qui est utilisée par les psychologues aussi désormais. Et ça permet de travailler notamment sur le passé, sur les traumatismes qu'on a pu avoir. Et pour être un petit peu technique, en gros, ça active certaines zones du système nerveux autonome et notamment la branche parasympathique qui va permettre de se détendre. Donc en gros, ben, vous tapotez avec vos doigts sur différentes parties du corps et des mains. Voilà. Alors ça donne quand même un peu l'air bête, surtout les premières fois quand mes clients le font, ils sont un peu gênés quand ils connaissent pas la technique. Donc je m'en tape, c'était aussi un peu ce lien avec les tapotements qu'on doit faire sur ces différentes parties du corps, et puis aussi le fait de lâcher prise par rapport à l'image que l'on croit avoir en faisant ça, parce que bah, ça marche vachement bien et ça fait du bien de faire cette technique. Et puis ça a été surtout un pari, parce qu'au départ on savait pas trop comment ça allait être pris. Donc j'ai fait confiance à mon designer Bastien Dudel, qui est UX/UI designer sur Nancy. Et puis finalement, bah, les gens retiennent, ça les fait sourire et ça me correspond vraiment bien. Bon, en effet, donc, ce nom fonctionne bien. Et puis derrière un petit peu ce côté un peu provocateur, il permet de se différencier dans un environnement assez concurrentiel, n'est-ce pas? Ah oui, le coaching, c'est un domaine qui peut paraître assez concurrentiel, surtout sur Nancy, puisqu'il y a même une école qui forme les coachs. Donc oui, c'est sûr que je m'en tape, ça permet d'être différenciant. Alors, quelles ont été vos principales motivations pour devenir entrepreneur? Alors au départ, l'entrepreneuriat, c'était absolument pas une motivation, c'était même plutôt l'inverse. Mes parents sont agriculteurs et je les ai vus un peu galérer dans leur entreprise. Donc moi, je m'étais dit, je serai jamais entrepreneuse, je serai salariée. Je me suis formée à l'éducation spécialisée et puis j'ai enchaîné les jobs salariés. Et je ressentais toujours la même frustration, je me sentais bridée dans ma créativité, dans mes envies. Et donc très rapidement aussi, je commençais à m'ennuyer. Et puis un jour, j'ai eu une opportunité, celle de reprendre une librairie. Et je me suis lancé en me disant, ce sera l'activité de mes week-ends, un peu comme un loisir, ça peut être une expérience marrante. Et là, j'avais 21 ans. Et puis ce qui était l'activité de mes week-ends, en fait, c'est devenu mon activité principale parce que j'ai vraiment découvert la passion de l'entrepreneuriat. Pouvoir faire tous les projets que j'avais dans la tête, voir 100% de l'investissement que je fournissais. Moi, je suis quelqu'un de très impliqué et c'est vrai que le monde du salariat n'était pas forcément quelque chose de valorisant. Au contraire, en tout cas dans les expériences que j'ai pu avoir, dans les dernières expériences, on me disait d'arrêter, de faire moins d'heures sup, de moins bien faire mon travail. Alors pas dans toutes les expériences, mais voilà. Mais en tout cas, là, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie à ma place, libre, libre d'être moi et être en accord avec mes valeurs. Donc finalement, l'entrepreneuriat, ça a plus été une révélation qu'une motivation de départ. Donc une révélation plus qu'une motivation. Et après quelques années de recul, quel conseil donner à nos auditeurs qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors, se lancer dans l'entrepreneuriat, ça peut vraiment faire peur. Donc, je dirais que déjà, il faut pas trop écouter son mental. Et puis, il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leurs rêves parce que il y a toujours de bonnes raisons à pas faire. Donc, je dirais qu'il faut peut-être aussi être vigilant à l'entourage qui peut transmettre ses appréhensions. Donc, si je donnais un premier conseil, ce serait de vous entourer de gens inspirants qui vont à la fois vous soutenir dans votre projet, mais aussi qui vont vous aider à rester connecté à la réalité. Donc, à certains moments, c'est aussi un peu le rôle que je joue, puisque dans mon travail, je suis motivante, structurante, et puis je veux aussi ramener la personne à la réalité du marché. Ensuite, il y a trop de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans avoir vraiment réfléchi aux besoins de leurs clients. Souvent, ils se disent je me lance, j'ai envie de faire un truc, donc c'est parti. Donc, soit ils copient la concurrence, soit ils créent une offre qui va correspondre à leurs besoins à eux. Donc, si je devais donner un deuxième conseil, ce serait de vous centrer client plutôt que de penser à ce que vous voulez faire et aux facilités que vous voulez avoir. Donc, demandez plutôt à vos clients comment ils aimeraient bénéficier de votre produit ou votre service dans votre domaine. Et ça peut vraiment faire la différence d'être à l'écoute de vos clients et non pas d'être dans une copie de la concurrence. Donc là, ça vous permettra en tout cas de réussir peut-être plus facilement. Et puis le point de départ, ça peut évidemment venir de vous, d'une envie à lancer quelque chose, mais aller confronter très rapidement cette idée aux futurs utilisateurs, parce que parfois on lance une idée et puis finalement quand on la confronte trop tard, on a du mal à revenir dessus et à modifier des choses parce qu'on s'est attaché à l'idée du projet. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui croient qu'être entrepreneur, c'est facile, c'est être libre, c'est ne plus avoir de patron chiant, c'est pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, c'est gagner plein de pognon. Et en réalité, être entrepreneur, c'est quand même beaucoup de travail, d'investissement. Et puis, moi, je dis toujours, on a autant de patrons que de clients. Donc c'est peut-être aussi une source de stress, surtout dans ces conditions un peu particulières de cette année. C'est aussi beaucoup de persévérance, notamment au lancement d'activités. Donc, j'entends trop de gens qui me disent, je me lance parce que j'en ai marre d'avoir un patron qui gagne de l'argent sur mon dos. Donc si je devais vous donner un quatrième conseil, je vous dirais lancez-vous dans l'entrepreneuriat parce que c'est une passion, parce que vous avez du travail à revendre, parce que vous êtes courageux, persévérant, parce que vous voulez vivre une aventure, parce que être entrepreneur, c'est vraiment une belle aventure. Et puis, si je devais vous donner peut-être un dernier conseil, je vous dirais d'accepter les échecs parce que ça fait vraiment partie du jeu et ça va vous permettre de mûrir dans votre expérience entrepreneuriale. Moi, c'est quand j'ai rencontré des difficultés que j'ai vraiment avancé. C'est avec les clients les plus compliqués, les plus difficiles que j'ai beaucoup appris. Eh bien, merci Émilie pour ces précieux conseils. Et on retrouve bien l'idée que pour réussir, il faut être passionné et surtout travailler, travailler et encore travailler tout en étant à l'écoute des besoins du marché. Et il faut donc semer avant de récolter. Et Émilie, donc, au bout de combien d'années avez-vous pu dégager un revenu correct ? Alors moi, j'entends souvent qu'il faut 3 ans pour commencer à récolter les fruits de son activité. Et moi, personnellement, j'ai été rentable dans mes entreprises au bout de 6 mois. Alors ça veut dire que mon revenu net en gros me permettait de vivre à l'équilibre par rapport à mes dépenses personnelles et professionnelles, donc je fais partie des personnes qui croient qu'on peut réussir vite pour peu qu'on soit posé aussi peut-être les bonnes questions au départ et qu'on ait bien évalué les besoins du client. Eh bien, une belle performance en effet, de quoi motiver nos auditeurs. Alors, première pause musicale, donc l'occasion de découvrir les coups de cœur musicaux de notre invité. Alors Émilie, quel a été votre premier choix ? Alors moi, je vous propose à tous d'écouter Glorious de Michael Moore. Et au passage, d'ailleurs, je vous invite à regarder ce clip. Je vous en dis pas plus. Je trouve qu'il met en avant une belle énergie, un bel élan dans cette musique-là. Ça met aussi en avant le côté nouveau départ après son changement de producteur. Il y parle de réaliser ses rêves. Enfin, voilà, je trouve que c'est une chanson assez motivante. Eh bien, on retrouve tout de suite donc Glorious, Michael Moore. You know I'm back, like I never left. I never left. Another sprint, another step, another step. Another day, another breath, another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I never slept. Got a new attitude and a lease on life is a peace of mind. Seeking a find, I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride. And shit, I'm straight, I'm on my way. I'm on my way, get up my way. I'm running late, what can I say? I heard you die twice. Once when they bury you in the grave, and the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for the people, or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for euphoria, trudging through the mud to find the present, no ignoring us. Got 20,000 deep off in the street like we some warriors. My mama told me never bow your head. Whoa. I feel good. Just things, they don't make you who you are. Can't pack up for you, haul and take it with you when you're gone. We posted on the porch, my family's glasses to the stars. My grandma smiling down on me like, that boy got bars. Okay, okay, yes I do. I said amen and hallelujah, let me testify to another morning, a morning. Won't let self get in my way. I got my breath, I got my faith, and I remember why I came. Voilà, Glorious de Michael Moore. Merci Émilie pour ce premier coup de cœur. Et dans quelques minutes, le second coup de cœur musical d'Émilie Adam. Vous écoutez Fadjet. Oui, en effet, vous êtes bien sur Radio Fadjet et nous accueillons pour cette première émission L'Instant Économie, eh bien, Émilie Adam, une jeune chef d'entreprise. Alors Émilie, si vous deviez citer un obstacle majeur que l'on rencontre dans l'entrepreneuriat, quel serait-il ? Alors, il y a différents obstacles, mais si je devais en citer un seul aujourd'hui, je parlerais des croyances. Alors, les croyances, c'est des sortes de filtres qui vous permettent de voir la vie d'une certaine manière. Et ces croyances, elles peuvent être favorables ou limitantes. Et quand j'accompagne des clients entrepreneurs, je vois régulièrement un obstacle financier. Autrement dit, une croyance ou des croyances limitantes que mes clients peuvent avoir par rapport à l'argent. Donc souvent c'est inconscient, mais concrètement dans les faits, les personnes elles plafonnent, elles font toujours le même chiffre d'affaires, elles dépassent pas un certain chiffre, à tel point qu'il y a même des contrats qui sont annulés et elles restent vraiment dans une sorte de limite. Ou alors elles n'arrivent pas à réussir et pourtant elles ont tout pour réussir. Et puis quand on travaille sur la suppression de ces croyances, et ben j'observe des changements de chiffre d'affaires qui sont assez impressionnants. Ça peut doubler, tripler en l'espace d'un ou deux mois, c'est assez incroyable, surprenant. Et tout ça, c'est notre cerveau qui le crée parce qu'il le croit. Eh bien, un précieux conseil, oui, en effet, que de contrôler ses croyances donc limitantes. Alors, lorsque vous avez créé votre entreprise, vous avez dû réfléchir au choix d'un statut juridique. Et c'est ce dont va nous parler maintenant donc Isabelle pour sa chronique économique. Alors, rebonjour Isabelle, peux-tu nous éclairer sur le statut approprié pour celui qui veut créer seul son entreprise ? Alors, tout à fait. Alors, aujourd'hui, on constate dans le contexte actuel que de nombreuses personnes se posent des questions car ils ont envie de changer de job. Et beaucoup pensent encore que l'entrepreneuriat est réservé aux initiés, mais pas du tout. Pas besoin de diplôme pour créer son entreprise, pas besoin d'être expert non plus et pas besoin de sommes colossales à investir. Ce qu'il faut, c'est une idée et être motivé. Et il faut savoir où se trouve l'information. Alors voilà quelques idées de création d'entreprise en 2020. Friperie ambulante, naturopathe, coach pour animaux de compagnie, chambre d'hôte, influenceur, prof de yoga. Des idées, il y en a des milliers. Donc aujourd'hui, je vais orienter ma chronique pour vous, ceux qui ont pris conscience lors du confinement qu'ils devaient changer. Nous allons surtout nous intéresser aux petites structures qui démarrent avec un seul entrepreneur. Alors, une entreprise peut prendre la forme d'une société, mais peut aussi être créée sous la forme d'une entreprise individuelle. D'ailleurs, 75% des créations sont des entreprises individuelles et donc seulement 25% des sociétés. Mais pour faire le bon choix, il faut se poser les bonnes questions. Tout d'abord, allez-vous créer seul ou à plusieurs ? Pourquoi voulez-vous devenir entrepreneur ? Pour compléter une activité salariée ? Pour tester une nouvelle activité ? Pour créer votre emploi ? Et en fonction de vos réponses, vous allez pouvoir choisir le meilleur statut juridique. Alors, partons de l'idée que je suis seul, salarié et que je vais donc tester une nouvelle activité. Alors, le choix le plus simple est l'entreprise individuelle avec un statut de micro-entrepreneur. Alors, par abus de langage, on continue d'employer indifféremment les termes d'auto-entrepreneur et de micro-entrepreneur. En réalité, le statut d'auto-entrepreneur n'existe plus depuis 2016. Il faut aujourd'hui parler de micro-entreprise. Il s'agit d'un statut d'entrepreneur individuel avec des contraintes administratives allégées et un fonctionnement simplifié. Un simple clic sur Internet permet de créer sa micro-entreprise. Alors, elle a de nombreux avantages, des obligations comptables réduites, pas de compte de résultat, ni de bilan à établir en fin d'année. Donc une comptabilité ultra simplifiée, pas besoin de recourir à un expert comptable, pas de TVA à facturer. On ne paye de cotisation que si on réalise un chiffre d'affaires. C'est beaucoup plus simple également au niveau fiscal. Ce régime est donc adapté aux personnes qui, en toute indépendance, se lancent dans une petite activité nécessitant peu d'investissement et de stock et ne présentant pas de risques particuliers. Je suppose que ce statut présente tout de même des inconvénients. Oui, bien sûr. Notamment un certain seuil de chiffre d'affaires qu'on ne peut dépasser. 176 200 euros pour du commerce et de l'hébergement et 72 500 pour du service et du libéral. Impossibilité également de récupérer la TVA payée. Un chiffre d'affaires minimum est à réaliser pour valider un trimestre de retraite. Et le principal danger est qu'il s'agit d'une entreprise individuelle, donc sans patrimoine propre. Les entrepreneurs disposent d'un patrimoine unique comportant indistinctement leurs biens professionnels et leurs biens personnels. Donc, en cas de faillite, les créanciers de l'entreprise peuvent faire saisir les biens personnels de l'entrepreneur, sauf sa résidence principale, qui est protégée. Alors, Émilie, vous confirmez bien les propos d'Isabelle. Hein. Vous avez bien eu recours au départ à ce statut de micro-entreprise lorsque vous avez créé votre entreprise, je m'en tape. simplement grâce à cette simplicité de création. Oui, tout à fait, c'est vraiment super simple. Très bien. Alors Isabelle, on peut donc être salarié et en même temps créer sa micro-entreprise ? Oui, oui, bien sûr. Mais attention de bien relire votre contrat de travail, car il y a des clauses qui peuvent l'interdire. Et si l'entrepreneur ne génère aucun chiffre d'affaires, y a-t-il des charges à payer ? Alors non, aucune charge à payer. Bon, il faut bien comprendre qu'il y a peu de coûts pour une micro-entreprise, même lors de la création. Il faut accomplir évidemment certaines démarches obligatoires, comme l'inscription de l'activité au CFE, Centre de formalité des entreprises, qui est gratuite et se fait très rapidement en ligne sur guichetentreprise.fr. Il faut simplement ouvrir un compte bancaire pour la micro-entreprise et prendre une assurance professionnelle pour se protéger en cas de litige. Évidemment, compte bancaire et assurance vont ensuite représenter des charges, même en l'absence de chiffre d'affaires. Alors, un dernier conseil, il ne faut pas hésiter à prendre des renseignements auprès de professionnels comme le notaire qui a un devoir de conseil. Et ces conseils sont gratuits. Dans une autre chronique, je vous présenterai l'entreprise individuelle classique et la société. Eh bien, merci Isabelle pour cette chronique juridique qui nous a donc éclairé sur ce statut de micro-entreprise. Passons maintenant à la deuxième pause musicale. Alors, Émilie, quel a été votre deuxième choix ? Alors, je voulais rendre hommage à Nadea avec son titre Odile. Je voulais mettre en avant sa philosophie très résiliente. Pour elle, quoi qu'il arrive, eh bien, il faut en tirer quelque chose de positif. Et au travers de la musique, eh bien, c'est ce qu'elle fait, transformer ses expériences passées en quelque chose de beau et d'attachant et même de joyeux. Eh bien, donc on retrouve tout de suite donc Odile interprétée par Nadea. My name is Odile, and I am a deep sea diver. Though I don't get my thrills from the catfish in China, I've had a thousand dreams, so many I have dived on, but still I'm all. Voilà, c'était Odile interprétée par Nadea. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus que radio. Vous êtes bien sur Radio Fadjet pour cette nouvelle émission L'Instant Éco et nous passons maintenant à la rubrique Entreprise locale animée par Francine. Alors, quelle entreprise as-tu choisi de nous présenter ? Alors pour cette première émission, j'ai choisi de vous présenter une jeune entreprise vosgienne installée à Cap-Avenir Vosges, à proximité d'Épinal. C'est l'entreprise Moustache Bikes, créée en 2011 par deux amis vosgiens passionnés de vélo, Emmanuel Antonneau et Grégory Sand. Leur idée est venue tout simplement d'une intuition. En Hollande, pays très réputé pour le vélo, les premiers vélos à assistance électrique émergeaient. Et le marché français était très peu fourni. Il était composé essentiellement de vélos urbains bas de gamme venant de pays asiatiques. Et quel était l'objectif majeur de ces deux passionnés ? Eh bien, leur objectif était tout simplement de faire en sorte que tout le monde puisse apprécier le vélo et l'électrique peut le permettre. Ces deux jeunes créateurs ont été des visionnaires en misant sur le marché du vélo électrique, très peu développé à cette époque. En France, par exemple, 388 000 vélos à assistance électrique ont été vendus en 2019, avec une hausse de 12% par rapport à 2018. Et ce n'est que le début. Une étude montre que la barre du million d'exemplaires pourrait être franchie vers 2024-2025. Oui, on retrouve donc bien l'idée de besoin évoquée tout à l'heure par Émilie Adam. Alors, pourquoi ce nom de moustache ? Eh bien, une des principales raisons est la conception d'un guidon très ergonomique en forme de moustache. Comment cette belle aventure a-t-elle évolué sur ces 9 ans ? À leur lancement, ils décident de mettre toutes leurs économies en commun et avec 400 000 euros, ils se lancent à fond dans leur idée. Au début, la gamme était composée uniquement de 7 vélos. La gamme s'est ensuite élargie pour atteindre maintenant plus de 70 modèles avec par exemple des tandems, des vélos de trail, d'enduro, etc. Et quelles sont les spécificités de fabrication de ces vélos ? Eh bien, la fabrication consiste en l'assemblage de différents composants achetés essentiellement en Europe. Il n'y a pas de travail à la chaîne, un seul opérateur assemble le vélo, ce qui peut permettre d'avoir un suivi de qualité plus facile et de responsabiliser et d'impliquer davantage l'opérateur de montage. Les créateurs de l'entreprise ont choisi délibérément de s'orienter vers un positionnement haut de gamme. Sur le marché global du vélo électrique, le prix moyen est situé entre 1500 et 2000 euros et chez Moustache, il se situe plutôt aux environs de 3000 euros. Alors, quelle a été l'évolution de l'entreprise depuis sa création ? Eh bien, l'entreprise a connu une croissance continue et très forte depuis sa création. Le chiffre d'affaires était de 2,4 millions d'euros dès la première année et maintenant, il atteint 62 millions d'euros. En 2017, l'entreprise a même reçu le titre de start-up de l'année pour le Grand Est. Actuellement, l'entreprise compte 120 salariés et elle réalise 50% de sa production pour la France et 50% à l'export avec des ventes jusqu'en Nouvelle-Zélande, Australie et Amérique du Nord. L'entreprise Moustache a donc pu prendre une longueur d'avance vis-à-vis de ses concurrents, maintenant nombreux, car depuis la création de la société, l'innovation a été permanente, toujours dans un souci de répondre à la demande des utilisateurs. Un bel exemple de développement du tissu industriel français qui doit être à suivre pour montrer la résilience de notre économie face à la crise actuelle. Eh bien, merci Francine pour ce bel exemple de réussite donc vosgienne. Alors, pour terminer cette émission, les mots de l'actu ou comment comprendre rapidement les mots qui font l'actualité économique. Alors, si les sociétés Moustache et Je m'en tape continuent sur leur lancement, elles feront peut-être partie dans quelques années du CAC 40, car si j'ai bien compris les conseils d'Émilie Adam, finis les croyances limitantes. Alors, Émilie, donc Francine et Isabelle, qu'est-ce que le CAC 40 ? Un indice boursier, je crois. Très très bien, Émilie. Alors, CAC pour ? Cotation continue, il manque presque, le A. Presque, voilà, cotation assistée en continu, car il est mis à jour toutes les 15 secondes entre 9h et 17h30 et 40, bien sûr, parce qu'il s'agit du nombre de sociétés qui composent cet indice boursier. Et le CAC 40 agit comme le thermomètre qui évalue donc l'état de la bourse, puisque chaque jour, on apprécie son évolution. Alors, pour terminer, d'autres indices boursiers très connus, un petit quiz, quelques noms d'indices, à vous de trouver le pays concerné. Si je vous dis le Dow Jones. États-Unis. Très bien, le DAX. Allemagne. Parfait. FTSE. Angleterre. Très bien. Et Nikkei. Japon. Très, très bien. Bah, bravo. Bravo, il y a un sans faute. C'est parfait. Ainsi s'achève cette première émission de l'Instant Éco. Merci, Émilie Adam, d'avoir essuyé les plâtres. Mais merci à vous pour l'invitation et j'ai vraiment passé un excellent moment à votre compagnie à tous. Eh bien, très content en tout cas de commencer cette nouvelle aventure avec l'Instant Éco. Francine et Isabelle, eh bien, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Eh bien, à très bientôt et restez fidèles à Radio Fadjet.